un truc qui cloche. Smoking Boots. Yo. Allez, allez, bouge-toi, c'est Omar. Omar. Repasse dans 10 minutes, y'a plus de quête. Je me sens pas bien quand des capes, y'en a plus 4. Descends 200 mètres, j'ai plus compte. Numéro ou non, on fait manger les plus 4. Giro à l'affût, Apollo se gros la ferme, tu crois que les bandits à la fuite. Ils descendent pas les bâtards à la feinte. Allez, remets des 10 balles, il en manque à la fête. Là, je vais les tortiller, ils vont tout renifler. Je mets une tortilla. Je roule une tourdilla, et on me dit 10 mal dans la grosse dans un tourdillé. Je suis pas là pour vous m'aimier, je regarde que pour maman, c'est la cité qui m'amène. Et y'a moins de gens pour t'aider, quand ça soit l'attaque, bye, c'est là-bas qui te ramène. Ici devant le bâtiment, on reste tard. Le business est très peu restreint. Paraît que le bon jaune ça reste rare. Moi perso je suis sur le terrain et là il me reste rien. Y'a des chiens donc j'ai dû faire le tri. Lève la bécane et pourtant serre le frein. Nous ici on sait que tu t'en fous du prix. Le vendeur a des rails, le jeune qui fait le train. Le vendeur a des rails, le jeune qui fait le train. Le vendeur a des rails, le jeune qui fait le train. Les cœurs sont chauds à la longue au crâne. J'fais un cache-cache, braque que 3-8 dans mon cri. Ramène les billets, oui y'a du hologramme. Repère les poulets, faut que tu lâches un autre cri. Je sais qu'y'a pas photo, pendant que tu vas te faire tacler, non y'a pas photo. Maintenant arrête tes foutaises, tu sais bien que t'es foutu, comme son crâne dans le futur. Faut faire rentrer les vrais sommes, se mouiller à la piscine, faut faire marrer les vrais folles. Faut faire marrer les vrais folles. Mais y'a peu de gens qui me résonnent, à cause du mot résine, y'a mon bigot qui résonne. Terre, terre, garde ta prison, repos. Attention mon pote, tu peux subir à plusieurs reprises. Fais tes lacets, midi t'es paré. Bravi, serre des têtes de taré. Rentre dans le bas, tout est carré. A16-22, les spits sont carrés. En descendant, personne touche du bois. Tu sais que les gyros font du bruit. Les capes nous lâchent pas les pattes. Le soir, la daronne nous fait du riz. Ça pipi à la durée, la police pète une durite. Et ça peut chuter doré, ça défile pour pas faire du rite. Et y'a que de la peuple que t'auras. Avant tu trouves ça terrible, j'ai 100 fois plus pas que derrière. Sachez que c'est grand pour le terrain. Des boulots sautent sur le stade, envoie la tuerie. C'est sur du lourd, c'est sur Estéron. Je refuse tout de faire là sous le flot stérile. On va pas se laisser périr. Y'a de la blanche à Katy Perry. Le poids de notre acte nous paierons. Pour l'instant, on veut que ça s'écoute jusqu'au Pérou. Dis-moi, c'est chaud la main, quel concert vous. Le rap c'est un terrain, il m'écoute au sujet gérant. Le rap c'est un terrain, il m'écoute au sujet gérant. Le rap c'est un terrain, il m'écoute au sujet. Le rap c'est un terrain, il m'écoute au sujet. Ça sert à rien de courir.